Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On démarre tout de suite avec un grand hommage à un grand monsieur. Je veux parler de Greg Lake, tour à tour chanteur de King Crimson et d'Emerson Lake Palmer. Tout de suite, un extrait de In the Court of 1969, toute une légende. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Thank you. Well, cascade kept a man named Jade cool in the shade while his audience played. Purred, whispered, spend us to. Après In the Court. Oui, c'est tellement beau que je le laisse. Je disais donc, après In the Court of the Crimson King, un extrait de In the Wake of Poseidon avec Cadence and Cascade. In the Court of the Crimson King 69, considéré comme le premier album de prog. Et In the Wake of Poseidon 70, donc sorti l'année suivante. L'année suivante, c'est-à-dire toujours 70, Greg Lake quitte King Crimson pour rejoindre une nouvelle formation avec notamment Keith Emerson au clavier et Carl Palmer est formé Emerson, Lake and Palmer, Help, avec un jeu de mots. Help en anglais, ça veut dire au secours. Hein, il y a ce petit jeu de mots bien sympa. Et donc, ils sortent la même année, donc ELP, sobrement, et intitulé ELP, avec un oiseau qui s'envole. Et le morceau phare, hit, qui fonctionne, qui cartonne à l'époque, c'est Lucky Man. Horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. And feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. On va sauter dans le temps, bondir jusqu'à 1973 pour écouter mon album préféré d'Emerson, Lake et Palmer, Brain Salad Surgery, deux extraits. Vous écoutez actuellement un hommage à Greg Lake, mais c'est aussi quelque part un hommage à son compère Keith Emerson, disparu quelques mois avant. Donc, tout de suite, deux extraits de ce Brain Salad Surgery de 73. Tout de suite, Jérusalem. Jérusalem, extrait de Brain Salad Surgery. Il faut savoir que Jérusalem en Angleterre est un morceau folklorique assez ancien qui est un peu un hymne à l'Angleterre. Deuxième extrait donc de ce Brain Salad Surgery par le maestro Jimi Hendrix des claviers. Je veux parler de Keith Emerson et Greg Lake. Tout de suite, Still You Turn Me On. You could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark gloss on your eyes. Though your flesh has crystallized, still you turn me on. bed. Wanna be color cover magazine, create a scene. Every day a little sadder, a little madder. Someone get me a ladder. Wanna be the singer, wanna be the song. Let me tell you something, you just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Still, you turn me on. ça a été l'hécatombe. Pas mal de nos idoles s'en sont allés jouer là-haut. La musique des anges. Si je vous cite Radim Haldik, les plus futés vont me dire M Effect ou Blue Effect, groupe mythique tchèque des années 70. Eh bien, le guitariste fondateur de ce groupe, vous l'avez deviné, nous a quittés donc fin 2016. Et je vous propose un extrait d'un de leurs meilleurs albums, Alors attention à la prononciation, Svet, plus loin Heldaku. Ledaku, voilà, c'est de 79 et donc un large extrait en hommage à Radim Haldik. Thank you. sacré guitariste Radim. Et imaginez les difficultés de ce groupe en Tchécoslovaquie à l'époque, hein, Tchéquie maintenant, en 79 avant la révolution de velours, les difficultés pour enregistrer, pour acheter du matériel, fabriquer un disque, c'était vraiment pas évident, donc chapeau bas. Christian Simard nous a quittés également. Christian Simard, c'était le claviériste de ce groupe canadien intitulé Morse Code, Morse Code, un groupe que j'ai toujours beaucoup aimé avec au carrefour entre le King Crimson, il y a des claviers superbes, un mellotron à foison, et au carrefour de Ange, ne serait-ce que par les paroles en français et la thématique des paroles. Je vous propose un large extrait de La Marche La Marche des Hommes. Ça date de 75, c'est canadien. Et donc c'est un hommage à Christian Simard, le claviériste. Morse code, la marche des hommes canadiens 75. Ainsi s'achève cette première partie hommage à donc Greg Lake, indirectement Keith Emerson, Christian Simard à l'instant et Radim Ladik. On passe aux nouveautés avec une foultitude de nouveautés made in Italy. Nos amis italiens sont toujours aussi productifs. Je vois avec plaisir le retour de Sofia Baccini. Baccini avec son groupe Présence. Sofia, c'est une claviériste et Présence, c'est un groupe format ELP assez powerful. Et donc, les voilà avec un nouvel album double. Il y a un CD studio et un CD live. Je vous propose un extrait du CD studio. Le CD live et le CD studio, tous les deux sont sous le titre de Masters and Following. Et j'ai voulu faire un petit peu dans le clin d'œil. Il y a une reprise que j'ai trouvée fort bonne dans cet album. Une reprise des Sparks. Tout de suite sur Progapart et le 100.7. Des caps, cette reprise des Sparks, This Town Ain't Big for Both of Us. avec présence et la belle Sofia Baccini. Ils sont également de retour, les CAP, avec leur compère Fela. Alors CAP, je vais essayer de prononcer ça bien avec un accent italien, Consorzio Acqua Potabile. CAP, Consorzio Acqua Potabile. Ils sont de retour avec un album qui m'a laissé moite-moite. Il y a le chanteur de Jumbo qui les accompagne, Alvaro Fela. Et j'avoue que j'ai été moyennement convaincu. Ceci dit, je vous propose un morceau pour faire votre propre opinion. Tout de suite, Il Cervo e la Fonte. Voilà, le titre, vous l'avez, le nom du groupe, vous savez tout ou presque. Specchiavi vanità, riluceva di ricchezza, grande intreccio di beltà. Quanto amavi quel momento, non era sete a spingerti su fila in alto, quel gran salto, per poi goderti dentro il blu. Mia gloria, belli miei rami verso il cielo, debano il legno, la mia fierezza, pregiato in tarsio quel su e giù, corna robuste per sfida ai venti, anche i nemici ad onorar, e femmine dolci, curiose mute, adoranti forza e maestà.

Ça sonne pas mal King Crimson, ça sonne pas mal Anglagard, et vous avez tout faux. C'est le nouvel album d'Ingranaggi della Valle. Ingranaggi avec 2G della Valle, formation italienne, qui est également sur le retour. Trois productions de chez Black Widow qui sont à découvrir de toute urgence. On finit avec l'Italie et on part du côté de l'Angleterre avec une petite formation bien sympathique malgré un package un petit peu l'enlis en l'air. Ça donne pas trop envie quand on voit la pochette et pourtant la musique est pas mal du tout. Ce groupe s'intitule 25 Yard Screamer, je le prononce à la française, 25 Yard Screamer. Et leur album s'intitule, parce que ça c'est le nom du groupe, j'ai vérifié, et le nom de leur album, le titre de l'album, c'est Keep Sending Signals. Keep Sending Signals, qui veut dire dans la langue de Molière, continuez à envoyer des signaux. Voilà, c'est britannique, c'est de 76, j'allais dire, c'est de 2016, ça vient tout juste de sortir, et c'est, ma foi, très bien troussé. Floating down drifting along the water. A pure instinct, a driving force from one dream. Ourselves praying for time, just a little uphill climb, but no beautiful view. And I may be dreaming, but you are in here too. Sky, warming wind, barren landscape, nothing to show. Simple shape breaks the light. Simple vision that holds the eye. We fool ourselves praying for time, just a little uphill climb, but no beautiful view. And I may be dreaming, but you are in. Thank you. Ah oui, c'est pas mal du tout ce 25 Yard Screamer. Ça a des petits échos de 12th Night. C'est un groupe britannique sur un petit label White Knight, le chevalier blanc. De l'Angleterre, on passe aux USA avec aussi une production avec une pochette qui donne pas envie. Je veux parler de Bride of Chaotica. Tout de suite, un extrait de Ghost on Television. Ne vous méprenez pas, ce groupe américain a également ses propres compositions. Bride of Chaotica, Chaotica comme le chaos, et leur album Ghost on Television eh bien, pratique un rock très guitare, avec donc leur propre composition, mais aussi des reprises. J'ai beaucoup aimé celle de, qu'on vient d'entendre, California Dreaming. Il y a également une reprise des Beatles, le fameux While My Guitar Gently Weeps. Voilà pour les nouveautés. On va terminer en douceur avec une petite vieillerie. Tout à l'heure, je vous ai passé M Effect, connu également, c'est le même groupe, sous le nom de Blue Effect, donc un groupe tchèque. Il y avait à la même époque, donc en 1980, il y avait un deuxième groupe qui s'intitulait Progress 2, avec un nom comme ça. Si on ne sait pas ce que c'est que vraiment on est aveugle. Et donc ce groupe-là pratiquait un groupe, un prog plutôt floydien. Ils ont sorti un double album que j'ai à la maison, qui est une mise en musique du Livre de la Jungle. Là, je vous propose leur album le plus connu, qui s'intitule Dialogue Zvezmirem. Dialogue Zvezmirem, c'est de 80, et ça permettra de compléter ce petit panorama du prog tchèque des années 60, fin des années 70, début années 80, avant la révolution de velours. Tout de suite, un extrait de Progress 2. ulicy, my w zagusi, a tma je jak ter. Lepi se na duszy, nadamy spać. Thank you. Un large extrait de Progress 2, dialogue sorti en 1980. On retrouve des constantes dans tous ces pays de l'Est d'avant la chute du mur de Berlin. Une musique souvent mélancolique, voire même désespérée. Souvent expérimental, on l'a senti là vers la fin, et puis très souvent chanté dans la langue maternelle. Voilà, on retrouve ça dans les pays dits de l'Est, le rock polonais, le rock hongrois, le rock tchèque notamment. Voilà, on se quitte avec cette séquence archive. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission de Prog à part le lundi 6 février de 20h30 à 22h30, comme d'hab, juste après le père Chris. Et donc, d'ici là, eh bien, vous aurez cette émission, elle a été enregistrée en podcast, elle a été enregistrée en direct sur le studio en HQ haute qualité, eh bien, vous l'aurez en podcast dans la semaine promise jurée sur le site d'Acid Dragon, puisque je vous le répète, Acid Dragon est le partenaire presse ou, si vous préférez, Prog à part, et la version sonore d'Acid Dragon. Voilà, d'ici là, tenez tati, et pour ceux qui seraient intéressés, c'est mon cas, foncez aller voir au Radiant Christophe, il est là, je crois, le 21 janvier, c'est un grand monsieur de la chanson française qui est pas très loin du progressif, à ne pas rater. Voilà, Christophe au Radiant, à très bientôt, et suivant la formule consacrée, tenez tati, à cola prochaine. C'était Prog à part, une émission proposée, présentée et réalisée par Thierry Sportouche. Voilà, et comme il faut être sérieux, Christophe en concert, c'est le 26 janvier au Radiant à Caluire. Ciao, ciao.